wesh Alpha, c'était chaud quoi. Mal dans ma peau, du coup je la colorie comme chanteur de Billie Jean. À la fois seul et très mal entouré avec mes 10 000 jeans. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes, un peu comme Devil Jean. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes. Mal dans ma peau, du coup je la colorie comme chanteur de Billie Jean. À la fois seul et très mal entouré avec mes 10 000 jeans. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes, un peu comme Devil Jean. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes. Que des acteurs, j'en ai marre de ce film. Je veux plus voir personne comme Daredevil. Je me suis ouvert à l'autre avec la soif de vivre. On m'a servi un verre d'eau à l'arsenic. J'ai grave le démon, t'en bats ta main. Je te l'arrache direct comme Genichiro. Et le quotidien c'était tellement noir. Dans ma tête c'était le voyage de Chihiro. Je peux pas marquer, jamais. Si j'attends la passe décisive sur la montagne, je porte une pierre. Tout comme l'a fait Sisyphe, une chose est sûre. Demain le jour se lève, est-ce que ce sera mieux, je sais pas. Comment se fait-il que j'aide un autre à vivre, à faire ce que je ne fais pas. Il vaudrait mieux, pour l'équilibre des choses, que je garde mon épée dans le fourreau. Je regarde l'autre se comporter comme si derrière lui il y avait Kankuro. Toujours incompris, je fais pas ce qu'on attend de moi. Mentalité Anelka, c'est pas la 5G, mais très certainement Marlboro qui m'arrêtera. Mal dans ma peau, du coup je la colorie comme chanteur de Billie Jean. À la fois seul et très mal entouré avec mes 10 000 jeans. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes, un peu comme Devil Jean. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes. Je souris pas trop, ma gueule c'est rare que je m'amuse. En vrai j'ai l'âme de Manus, demain je sais pas. Y'a pas écrit ce qu'on sera dans le bouquin de Nostradamus. Autour du cœur l'armure de Samus. Difficile de remplir du vide pour arriver à mes schémas de pensée, il te faudra plus qu'une vie. Je vois mon grand frère être un homme, un père et un mari. C'est lui le plus courageux, je m'en bats les couilles. Si dehors le soleil brille, dans mon cœur c'est tout nuageux. Et je me demande si dans l'enfance, innocent, on l'était. Tout ce qu'on me raconte c'est du vent. Les vrais regrets, on l'était. Pas marqué, jamais, si j'attends la passe décisive. Demain le jour se lève, est-ce que ce sera mieux, je sais pas. Mal dans ma peau, du coup je la colorie comme chanteur de Billie Jean. À la fois seul et très mal entouré avec mes 10 000 jeans. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes, un peu comme Devil Jean. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes. Mal dans ma peau, du coup je la colorie comme chanteur Billie Jean. À la fois seul et très mal entouré avec mes 10 000 jeans. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes, un peu comme Devil Jean. Et je sens le mal, je crois que je l'ai dans les gènes.